Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur la zone de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une seconde reprise après l'émission en direct la semaine dernière. On repasse sur un format en différé pour les deux ou trois semaines à venir avant de se retrouver de nouveau fin septembre ou tout début octobre pour une nouvelle émission en direct des studios. Pour l'émission d'aujourd'hui, ma foi, peu de renouvellement par rapport à l'émission de dimanche dernier. Je suis même en train de revérifier, il n'y a absolument aucun renouvellement même. Donc on va entamer tout de suite avec la première doublette, At The Gate et Wolves In The Throne Room. At The Gate, nouvel album studio des vétérans du death melodic suédois, plus précisément le Swedish Death Made in Göteborg. At The Gate sera un album vraiment très très bon, The Nightmare of Being, une sortie Century Media. Wolves In The Throne Room, septième album pour les ricains spécialisés dans le Cascadian. Toujours cet équilibre assez parfait entre le black épique qui peut tabasser et les atmosphères vachement plus posées, limite folk. Wolves In The Throne Room, nouvel effort studio, Primordial Arcana. On va s'écouter le titre Touched By The White Hands Of Death, signé At The Gates, et dans la foulée Mountain Magics pour Wolves In The Throne Rooms, et bienvenue dans l'émission. We'll be right back. Une doublette de vétérans pour la suite, tout comme la semaine dernière, à savoir les Anglais tout d'abord de Iron Maiden, 17e album studio intitulé Senjutsu, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, donc du coup sur un thème orienté autour des samouraïs et du Japon plus précisément. Ils sortent encore un album unique, mais format comme s'il y en avait deux, hein, tout simplement, 80 minutes de musique, à peu près 2 x 40. On vous recommande vraiment d'écouter l'album en deux temps, hein. Sinon ça fait vraiment très très indigeste, encore beaucoup de choses à redire sur Maiden. Alors pas tellement par rapport au fait que oui c'est des vieux, serait temps qu'ils arrêtent. Non non, techniquement c'est toujours aussi mortel. Juste la qualité de production au niveau du son, c'est une nouvelle fois assez effrayant. Croire que leur sondier est devenu sourd. Voilà pour Iron Maiden. On va cependant s'écouter un des titres les plus percutants de cet album, Stratego. Voilà, vraiment bien efficace ce titre de Maiden. Et dans la foulée, Sodom, notre vétéran. Voilà, les Allemands qui nous sortent un nouvel EP en attendant le prochain album. Toujours une petite bombe de trash blackisant. Bobenangle, un EP qui rend hommage au titre Bobenangle qui était sur l'album Persecution Mania, si je ne me trompe pas, sorti en 87. Donc on a deux titres inédits. Et une version réenregistrée du tubesque Bobenangle. L'EP est déjà disponible et on s'est écouté l'extrait Pestiferus Posse. C'est parti, Maiden Sodom. Out to Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Béton, vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger pour la séquence métal du dimanche soir. On enchaîne avec une doublette hautement qualitative et dépressive, avec tout d'abord Agrippny, l'incroyable formation de black metal venue d'Allemagne. Ils nous sortent un nouvel effort studio intitulé Metamorphosis, une sortie Art of Propaganda Records. On va s'écouter le titre Mélatonine, hein, pour ceux qui ont suivi l'excellent focus de Thibaut la semaine dernière. Hein, la Mélatonine vient en totale opposition avec le nom Agrippny du groupe. Et on va ensuite s'écouter Audid Menace, l'excellent groupe de Doom Death. Ils sortent leur nouvel effort studio, voilà, groupe qui nous vient de Finlande, c'est massif, c'est poisseux, et on a même quelques petites touches death metal à l'ancienne, façon carcasse, époque Earthwork, voire même des relents heavy metal années 80, enfin voilà, ça rend vraiment la musique de Audid Menace hyper intéressante, et puis l'ambiance générale est vraiment dingue. The Tritonus Bell, c'est le nom de ce nouvel effort studio, déjà dispo via Season of Mist, on s'écoute le titre Corpus Asunder, c'est parti. I'm not. Allez, après que How Did My Night s'est bien bien bien alourdi l'ambiance, on va up le tempo avec Portrait, le groupe qui nous sort son nouvel effort studio At One With Known. Portrait, on en a déjà pas mal parlé, hein, c'est cet excellent groupe de Heavy Revival. Très régulier hein, dans leur sortie d'album, hein, les Suédois, un album tous les 3-4 ans. Ça sonne juste dans les années 80, mi-épique, mi-mélodique. On sent la forte inspiration à la fois King Diamond et Mercyful Fate au niveau des voix et des ambiances globales. Enfin voilà, ça glisse vraiment tout seul ce nouvel effort, une fois de plus, de Portrait. Et dans la foulée, le Black Trash des Anglais de Craven Idol, troisième album studio, Forked Tongues, c'est le nom de ce nouvel effort, Venomous Rites, c'est le titre qu'on va s'en écouter, et juste avant Craven Idol, Portrait avec le morceau A Murder of Crows, c'est parti. Oh, goes on this way. La suite, eh ben, c'était l'autre focus de la semaine dernière, les slamsters espagnols de Cerebral et Fusion qui sortent leur nouvel effort studio. Ultra Quali, encore une fois, ce que peut nous proposer Cerebral et Fusion, c'est comme on le disait au niveau du son, il y a un travail supplémentaire qui a été fait parce qu'on est sur un son très raw, presque une prise live. Ça ajoute à la justesse et à la puissance et la violence des compos de ce nouvel effort de Cerebral Effusion qui s'intitule Ominous Flesh Discipline. A noter que les Espagnols voient cet album sortir sur l'excellent label et spécialisé chez les Ricains, ça y est, j'ai perdu ma ligne, de New Standard Elite. Et dans la foulée, Wanderer, parce qu'on parle des États-Unis, très très bon groupe de hardcore, chaotique hardcore, Liberation from a Brutalist Existence, le nom de ce nouvel effort studio, Maniacal Disturbance pour Cerebral Effusion, Wanderer ensuite avec le titre Frost Cage, et c'est parti.